Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 15 décembre 2022, dans 8 jours, c'est déjà bientôt Noël, même 9 jours. Waouh, j'ai seulement calé que c'était Noël alors qu'on est en décembre et qu'il fait moins 14 degrés. Comment ça va autour de la table? Ça va bien. Ça va. Ouais, alors je vais pas vous mentir, il y a toute l'équipe qui est malade, donc heureusement c'est de la radio et les microbes ça se refile pas par la radio. Et on va commencer directement avec la chronique de Charles. Et pas du tout, c'est la pas du tout le bon jingle. Le génie de l'action. C'est pas grave. Eh ben Charles, lance ça, je vais te trouver le bon jingle qui est là. Ouais, continue. La voisinade sur Fadjet. Et Charles, à quoi on joue ce week-end? C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont... Voilà, avec le bon jingle, c'est mieux, voilà. Du coup, j'étais perdu, hein, j'allais faire un génie de l'actu, là. Bah vas-y, alors, si tu arrives... Ce week-end, il y a un jeu qui est sorti. Alors, je vous emmène en Grande-Bretagne. Ok. Je suis perdu dans mes pensées. Chronique de Noël oblige, enfin pas vraiment chronique de Noël, mais je vais faire comme l'année dernière. En fait, je m'intéresse jamais aux jeux pour enfants. Et l'année dernière, pour Noël, je m'étais intéressé aux jeux pour enfants. Parce que ça va bien pour Noël, ça passe bien sous le sapin. Des jeux de gosses, moi j'aime bien. C'est ça. C'est à peu près bien pour votre niveau intellectuel. Merci. Et encore, c'est presque trop. Cette année, rebelote, je vais vous faire un petit best-of de ce qui est sorti cette année en jeux pour enfants et qui passera bien sous le sapin. Alors, le premier, est-ce que vous aimez bien le jeu de loi? Non, c'est pas terrible. Ouais, et ben ça tombe bien parce que le jeu que je vous proposais, il ressemble pas trop au jeu de loi. Super. En fait, c'est vachement bien. C'est le Grand Prix de Belcastel. Mm-hmm. Vous reconnaissez sûrement ce nom puisque les charlatans de Belcastel. Tous très bien, effectivement, les charlatans de Belcastel. Le Grand Prix de Belcastel, c'est un jeu dans le même univers et qui emprunte un petit peu de la mécanique de ce qu'on appelle du bag building, donc c'est-à-dire qu'on va tirer des jetons dans un sac. Sauf que dans le Grand Prix de Belcastel, les jetons ils vont nous permettre de faire avancer notre âne, le plus vite possible sur une piste pour faire la course. D'où le côté un petit peu jeu de loi. Ouais, un petit peu course voilà, quand même. Un petit peu course jeu de loi, mais avec ce système de deck building. Donc en gros, on va avoir un sac avec des jetons dedans et on va tirer au hasard, chacun dans notre sac, un jeton sur lequel va y avoir en particulier un numéro, donc il va dire en 3, tu avances de 3 cases. Et après, chaque jeton va avoir une couleur différente qui sont associés à des fruits, en fait. Tu auras des pommes, des raisins, des machins. Et chaque fruit a un petit pouvoir qui lui est associé. Donc, tu vas pouvoir récupérer des rubis pour acheter des nouveaux jetons, etc. Alors, on retrouve vraiment le principe du piocher dans le sac et avoir côté hasard. Mmh. Et puis, en même temps, tu as la course. J'aime bien. C'est beaucoup plus simple que Charlatan, puisque c'est vraiment juste un jeu de course avec un âne qui va vite. Mmh. Et dedans, il y a le même principe que l'explosion, sauf que c'est simplifié. Tu as des jetons de laurier, je sais pas quoi exactement. Et en gros, quand tu vas en tirer 3, ton âne, il va faire la sieste, il va s'endormir. Non. Et du coup, c'est à ce moment, en fait, c'est à ce tour-là, c'est pas vraiment perdu, parce que c'est à ce moment-là où quand ton âne va dormir que tu vas pouvoir faire tes emplettes. Donc c'est. Okay. En plus, c'est assez réaliste. Hein. C'est ça. Tu prends ton âne, s'il a envie de dormir, il dort. Hein. Bah oui, tu vas pas le forcer. Hein. Normal. Enfin, un âne. Voilà. Alors j'ai oublié, je fais honte à tous mes devoirs. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour les 6 ans et plus dans des parties de moins de 30 minutes et ça coûte 31,50€. Un cadeau pas très cher. Un cadeau abordable qui fera plaisir aux petits et aux grands parce qu'en vrai. Je trouve que ça a l'air d'être un bon jeu, même pour les plus grands. Ouais, puis ça permet de jouer en famille sans forcément. Ouais, c'est ça. T'es pas obligé de foutre les gosses ensemble, tu peux faire entre eux, tu peux jouer avec eux. Et ouais, parce qu'en général, les jeux pour gosses, c'est genre le truc où faire tomber le Ouistiti, là, ou je sais pas quoi, c'est un peu nul, tu vois. Oh, c'est j'aime vraiment... bien ce Ouistiti, moi. Ouais, enfin, tu joues 2 minutes, quoi. Une fois que le Ouistiti est tombé, c'est fini, c'est pas ouf, quoi. Le suivant, c'est La Colline au Feu Follet. Alors, il a le même, cette même qualité que Belcastel, que le Grand Prix de Belcastel, d'après les retours que j'en ai eu, puisque moi, j'ai pas joué personnellement, c'est que c'est un jeu qui plaît aussi, justement, à toute la famille. La Colline au Feu Follet, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties de moins de 30 minutes, à partir de 5 ans, et ça coûte 36€, pardon. Ça dure 36€. Une fois que tu as dépensé 36€, c'est que le jeu est fini. C'est ça. Alors, c'est un jeu qui est un peu particulier, en fait, c'est assez dur à décrire. En gros, vous allez avoir un plan incliné, ok, en 3D, en carton, un plan incliné, sur lequel va y avoir des petits chemins, qui à chaque fois sont séparés, enfin se séparent en deux à chaque fois. Tu vois, un peu comme un truc de pinball où tu. Ouais. Et en gros, tu vas faire tomber des billes dedans. Et en fait, les intersections, elles vont être plus ou moins toutes bloquées par des personnages. Donc des magiciens qui sont les gentils et des sorcières qui sont les méchantes. Mm-hmm. Et c'est un jeu coopératif. Et en gros, le but, ça va être faire tomber tes billes sur les magiciens pour faire avancer tes magiciens sans toucher les sorcières pour pas faire avancer les sorcières, parce que les sorcières, c'est les mâles. C'est pas gentil, les sorcières. Et en gros, c'est un petit jeu qui mêle un petit peu le hasard avec la bille qui va tomber parfois du bon côté, pas toujours, de réflexion et de machin. Et c'est super sympa. Et voilà. C'est assez dur à décrire parce que c'est vraiment une sensation. Enfin, de ce que j'ai entendu, c'est vraiment fun à jouer. Oui. Quoi qu'il arrive, peu importe l'âge. Et pour ceux qui veulent, une fois que les petits ont fini de jouer avec, il paraît que ça marche très très bien quand on remplace les sorcières par des shooters. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il y a beaucoup de jeux qui marchent comme ça. Hein. C'est ça. Ah non, mais c'est vrai que c'est pas bête. C'est-à-dire que si t'achètes ça à ton gosse et puis qu'il joue trois fois avec et qu'il en veut plus, et bah c'est recyclable. Voilà, c'est recyclable en jeu pour adultes, ouais. En jeu d'alcool. Nickel. En termes de jeux recyclables, on va parler du prochain qui est Flashback Zombie Kids. Alors, je vais expliquer pourquoi c'est un jeu recyclable. ça coûte 22,50€ pour 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans, donc on commence à gagner quelques années, et ça dure moins de 30 minutes. Flashback Zombie Kids, c'est un jeu dans l'univers de Zombie Kids, mais en fait c'est un jeu d'enquête et d'observation qui est très original, parce qu'en gros on va faire des enquêtes via des petites cartes qui sont des images. Et en fait sur les images, on va pouvoir à chaque fois avoir le point de vue d'un personnage. Et sur le point de vue d'un personnage, tu vas voir par exemple un chien. Et d'accord. Le chien, au-dessus de sa tête, il y aura le numéro 3. Donc tu vas prendre la carte numéro 3. Et en fait, la carte numéro 3, c'est la même image, mais du point de vue du chien. C'est trop drôle. Et en gros, tu vas faire que ça de rebondir du point de vue de tous les personnages qui sont présents sur la scène. Ça va être très bizarre du point de vue du chien. Tu m'étonnes. Bah, du coup, tu vois un angle qui est différent. Toi, tu vois vers le haut, parce que le chien est plus petit. Et puis, tu vois des choses différentes à chaque fois. C'est quoi. Ça, tout à fait. C'est trop cool. Et du coup, le but de ce jeu-là, c'est de mener une enquête et de comprendre ce qui s'est passé. Et ça se joue avec, de base, 3 scénarios. Il y a 3 scénarios différents. Et j'en arrive seulement au moment où le jeu est recyclable. C'est qu'en gros, une fois que vous avez fini les 3 scénarios, il y a une petite enveloppe scellée qui va vous permettre de refaire les scénarios, mais avec des contraintes et des règles et des objectifs différents. Et donc, de quand même donner du renouveau à ce jeu qui, de base, tu dis, il n'y a que 3 scénarios, je joue 3 fois, c'est fini. Quoi. Ouais, et mais en fait, c'est pas ça. T'auras quand même déjà un peu vu les cartes, non ? T'auras un peu vu les cartes, mais tu chercheras plus les mêmes choses. Et du coup, ce sera quand même une redécouverte. C'est malin. Ouais. Voilà, je sais pas du tout où j'en suis niveau temps. Bon, il te reste 2 minutes. Un ou deux, ouais. Un du coup plutôt. Bah, soit 2 petits, soit un grand. Et on va faire 2 petits. On va faire le suivant, c'est Happy Families. Happy, pas comme joyeux, mais H-A-Y-P-Y. J'arrive plus à parler. H-A accent circonflexe, P-Y, pardon. Okay. Ça coûte 10€, 2 à 4 joueurs, moins de 30 minutes à partir de 5 ans. Alors, c'est un jeu de 7 familles. Hyper simple, que tout le monde connaît, sauf que il a la particularité de se jouer avec une espèce de système de draft où en gros tu vas poser les cartes en pyramide, et du coup en fait ce qui est intéressant, c'est que tu sais à peu près ce qu'ont les autres en main si tu retiens. Et du coup, c'est un jeu de cette famille un peu plus stratégique et du coup qui marche bien pour les enfants, mais qui peut être un peu plus intéressant. Mais dans cette famille, tu sais déjà un peu ce que l'autre a dans les mains. T'as une petite idée. Ouais. En général, bah, tu fais toute la truc. Hey, je voudrais le père, la mère. Allez, chez le petit dernier tout vite. Allez, le vas-y. Dernier tout vite, ce sera Dodo, D-O-D-O. C'est un jeu de memory assez simple, sauf qu'il a un petit twist rigolo. C'est que c'est surtout pour les enfants que c'est rigolo. Parce qu'en gros, en fait, vous allez avoir une tour en 3D sur laquelle vous allez avoir un œuf posé. Et l'œuf, petit à petit, il va dévaler le long de la tour. Sauf qu'à un moment, la tour, elle a plus de plateforme. Donc l'œuf va se casser la figure, ce qu'on ne veut pas. Bah non. Et donc le but, ça va être d'assembler au memory pour trouver un bambou, puis pour trouver une corde. Et avec un bambou et une corde, tu vas avoir le droit de mettre telle plateforme. Ah. Et donc tu vas mettre la plateforme qui va faire que l'œuf, oh, il ne va pas tomber, une extrémiste, il va continuer sa course. C'est un jeu de sauvetage d'œuf. C'est un jeu de memory, mais avec un petit twist en plus rigolo et de rapidité. C'est un jeu de vegan, ça encore. C'est ça. C'est sûr. Et du coup, pour conclure très rapidement, ça coûte 32€, 2 à 4 joueurs, 6 ans et plus, moins de 30 minutes. Voilà, joyeux Noël. Voilà, donc tu veux juste rappeler les noms des jeux que tu as donnés si quelqu'un jamais veut acheter un jeu à son enfant. Le premier, donc le jeu de course, c'est le Grand Prix de Belcastel. Le second, le jeu à boire, c'est non, Colline au feu follet. C'est pour les enfants. Ah, pardon, c'est pour les le enfants. Jeu à boire. le jeu avec les billes et les magiciens et les sorcières, c'est la Colline au feu follet. Le jeu d'enquête avec des cartes imagées avec les points de vue des personnages, c'est Flashback 2. Zombie Kids. Ok. Le jeu de cette famille, c'est Happy Family, avec Happy écrit bizarrement. Et le dernier dont j'ai parlé, c'est Dodo, D-O-D-O. Ok, et ben impeccable. Donc la liste, elle est là, vous l'avez notée. Si vous ne l'avez pas notée, il faudra écouter l'émission en replay sur Spotify. En attendant, il est déjà presque 18h10, on va écouter Simple Plan avec Iconic. Et après, avec le bon jingle, on va vraiment faire le génie de l'actu. Go up, let it go. Whoa, whoa, whoa, whoa. see. But one day you're gonna see the best of me. Wait till you see. I'm gonna be iconic. They say I'll never leave a legacy. But one day you're gonna see the best of me. Make no mistake. Et c'était Simple Plan avec Iconic. La voisinade sur Fadjet, le génie de l'actu. Attendez, vous êtes qui, vous ? Et comme la semaine prochaine, c'est Noël, bah, j'ai décidé de faire un génie de l'actu spécial Noël, tout simplement. Ah, on a une question de la, Charles. Je voulais juste dire que la musique était super bien et que je la connaissais pas. Ah bah voilà, coup, la musique c'était Simple Plan, Iconic, c'est leur dernier album qui est sorti il y a quelques mois. Récemment, ok. Voilà. C'est ça que je connaissais pas. C'est ma chanson préférée de l'album, donc j'avais envie de vous la faire découvrir. Ouais, voilà. Et bah, elle est top ici, mais les petites trompettes en plus j'aime bien. voilà. Petite trompette. Voilà. voilà. Alors, je vous emmène à Vesoul où il y a une manifestation. C'est décevant. ouais, j'avoue. Je t'en étais pas à ça. Je vous emmène à New York City, ok, l'Empire State Building. Enfin bref. Non, je vous emmène à Vesoul où il y a une manifestation un peu spéciale ce samedi. C'est les Pères Noël. Oui. voilà. Ouais, de moi un peu plus. Sur des motos. Ouais. Si, ouais, Père Noël en colère. C'est... Vous en avez parlé lundi, il y a deux semaines à la matinale, je crois en plus. Ah bon, j'étais là, je m'en souviens pas. Eh bah ok. Eh bah si, vous avez parlé des Pères Noël qui se réunissent là à Noël. Ah oui, bah c'était pour faire moto, des rassemblements. Pas que à moto. Non, aussi. D'ailleurs, c'était cette semaine. Hein. Bah non, c'était il y a deux semaines. Ok. Non, c'était cette semaine. C'était cette semaine. Voilà. Ah, bref. C'est pas grave, c'était l'émission de lundi que vous pouvez réécouter évidemment sur fadjet.net. Il y aura combien de Pères Noël 300. Non. Un peu moins. Ah bon? 128. Ouais. Ouais, on est à Vesoul, hein. C'est vrai. Je pensais qu'on était à New York, du coup. Là, j'avais pas. Non, il y en aura 200. Je vous le donne. Ça sera plus simple. Oh, c'est quand même déjà. Il y aura 200 Pères Noël sur des motos. Et en fait, ils font ça pour une association. Et en fait, il y aura une espèce de voiture balai devant qui va récupérer des colis avec des cadeaux. Ils ont déjà fait ça l'année dernière. C'est bien. Et ils ont récupéré 300 boîtes l'année dernière de cadeaux. C'est pour quel assaut? Je n'ai plus le nom. C'est au profit des enfants hospitalisés et des familles démunies. Mais j'ai pas le nom de la cadeaux, okay. Voilà, d'où les cadeaux récupérés. Donc vous pouvez offrir les jeux que Charles a cités dans sa chronique précédente. Voilà. Il y a la même à Nancy ce week-end. Sauf que l'article de l'Est Républicain était payant. Donc je peux juste vous dire qu'il y en aura 700. Mais je sais pas plus. Voilà. Comme on donne, comme Fadjet nous paye pas l'accès à l'Est Républicain, et bah on se démerde. On fait avec les articles gratuits. C'est pas grave, donc, on a qu'à imaginer. À Vesoul. Allez, les hommes vont offrir quelque chose à quelqu'un à Noël. Ils vont. Bah, alors maman. Non. Alors femme. Alors femme. Alors fille. Non. Alors grand-mère. Non. Cousine. Non. Alors. Malheureusement plus proche. Alors chien. Alors belle-mère. T'as dit belle-mère, non, mais maîtresse. L'autre. Ouais, alors maîtresse. Mais quelle est la différence entre le cadeau qu'ils vont offrir à leur maîtresse et à leur femme ? Il coûte plus cher. Exactement, c'est ça. Selon une étude. 70% assurent qu'ils vont consacrer un budget plus important que celui alloué à leur épouse. Voilà. Ils pourront en effet attendre une valeur supérieure à 200 euros, alors que pour la femme, c'est entre 100 et 200 euros. Bah oui, parce que c'est déjà acquis. Donc il n'y a pas besoin. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas besoin de séduire. Donc alors, les cadeaux ne seront pas les mêmes, puisqu'en général, pour la maîtresse, ce sont des cadeaux plus bijoux, lingerie fine et accessoires pour adultes, alors que pour les conjointes, ce sont en général livres, soins de beauté et appareils électroménagers. C'est pas la même ambiance. Appareils électroménagers, non, mais qui offre un aspirateur Temps, en fait, c'est pas une question de budget, c'est juste que le cul ça coûte plus cher que l'électroménager, hein, c'est tout. Hein. C'est pas complètement faux. C'est plus comme ça avec la maîtresse qu'avec le. Oui, en non, général. J'essaie juste de c'est dire des bêtises. Quand même. Mais quand j'ai vu cette étude, je me suis dit, elle est triste quand même. Hein. Ouais, non, franchement, ouais, c'est malheureux. Ça donne presque envie d'être maîtresse plutôt que femme. Hein, au final, plus de cadeaux, bah oui. Parce que entre un aspirateur ou un soin, massage et spa, tu m'étonnes. David fait le choix. Ouais, sinon, le plus simple, c'est de faire de ta femme ta maîtresse. Mélie, tu veux être ma maîtresse à Noël? Non. Oh bah super. Bah, elle veut pas de cadeau. Elle veut pas de cadeau. Tu dis oui juste pour les cadeaux, puis après tu dis non. Bah voilà. Double dose de cadeaux, toi, de l'électroménager et de la. Après, on va croire que je suis quelqu'un d'avare qui aime bien les cadeaux, alors que non, je suis quelqu'un de simple. Oh, ouais, quel mytho. À d'autres. La reine des mythos. Allez, je vous emmène dans les Pyrénées-Atlantiques où vous pouvez acheter un calendrier de l'Avent insolite. Le Père Noël tout nu. Non, un calendrier de l'Avent insolite. Tu crois que tu ouvres à chaque case, t'as un Père Noël à poil, quoi. Non. Des sextoys. Ouais, un truc sexuel, non ? Non. Bah, j'ai pas fait que des trucs sexuels non plus. Je sais pas si c'était dans le thème. Surtout que j'ai vu il y a pas longtemps un truc comme ça. En fait, ils font plein de calendriers de l'Avent particuliers maintenant. Tu peux tout avoir dans les calendriers de l'Avent. C'est dans quel patelin, t'as dit ? Pyrénées-Atlantiques. Du fromage, peut-être. Ouais, exactement. Voilà. C'est génial. Il y a une fromagerie qui a ouvert il y a 4 ans, donc par quelqu'un qui s'est complètement reconverti, qui était infirmière avant. Et maintenant, elle vend des calendriers de l'Avent au fromage, donc des fromages locaux, AOP, et tout ce qu'il faut. Il réfrigérait le calendrier de l'Avent ? Ah, je sais pas, mais j'espère que oui. Bah oui, parce que sinon, là... Et alors, ils font des livraisons jusqu'à 40 km et aussi il y a un service d'expédition partout en France. Voilà, donc vous tapez calendrier fromage et vous pouvez récupérer un calendrier de l'Avent avec du fromage. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Ça mérite d'être original. Avec du Munster là, comme ça. Là. Un bon petit Munster là, qui pue bien de la gueule. Enfin bref. Allez, on va passer sur un autre chiffre. Ils sont 78% à offrir ça à Noël. Mais à offrir quoi ? Des bons cadeaux. Du chocolat. Des bons cadeaux, non, des chocolats non plus. Du parfum. Non. Des Smartbox. Enfin, non plus. C'est qui ils ? Des personnes. C'est hommes et femmes. D'accord. De la nourriture. Non. À boire. Alors, pour ce cadeau-là en particulier, ils ont un budget moyen de 22 euros. Oh, oh c'est pas cher en plus. Des livres ? Non. Il faut surtout trouver à qui ils vont l'acheter. Aux enfants. Non. 22 euros. C'est quand même un peu radin. Ah oui, j'avoue. Ouais. Non, c'est pas des vêtements. C'est pour leurs parents. En fait, il n'y a pas vraiment de cadeau type parce qu'en fait, tu peux offrir ça dans plein de styles différents. Quoi ? Qu'est-ce que c'est encore ? T'es en plein de styles différents. Et pourquoi il y a autant de gens qui veulent en offrir et que nous, on n'a pas l'idée ce que c'est vrai. Bah alors, si je vous donne un indice, Camille, tu ne pourrais pas l'acheter, mais Charles et Mélie, vous pourriez. Mais pourquoi ? Parce que la catégorie de personnes visées, tu n'en fais pas partie. Ah, c'est genre les trucs en couple ? Non. Bah, je suis pas en couple. Ah bah oui, non, mais t'es en couple. Qu'est-ce que je raconte ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais qui êtes-vous autour de cette table ? Vous allez voir la différence entre Camille et moi. Bah oui, je comprends pas. Je l'ai pas. Y a pas. Moi non plus, je peux pas. Bah qu'est-ce que c'est ? On a quelque chose que nous, on n'a pas chez nous et du coup, on n'offrira pas ce cadeau. Ah, les chats animaux. Les chats, cadeau pour les chats. 78% des propriétaires de chats ou chats. Comment ça, vous n'avez pas de chat ? Vous avez un peu un chat aussi, finalement. Oui, mais tout ça pour qu'on achète des cadeaux. Bah ouais, tout un cadeau à notre chat, merde. Voilà. Donc le budget moyen est de 22 euros et en général, c'est un peu de tout, des friandises, des vêtements. T'as même carrément 2% qui offrent un abonnement à une box spéciale animaux. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. C'est quoi le temps ? Laura s'achète pâté et puis c'est non, tout. Non, elle aura un petit. Moi, je veux lui acheter un petit manteau de Noël. Oui, donc pas qu'elle veut lui faire un cadeau. Alors, non. Alors, les bonnes. Les pâtés plus sont souvent offerts dans les cadeaux. Et dans l'article que j'ai trouvé, il y a carrément une fille qui offre du foie gras à son chat. Oh, ouais, non, là, c'est abusé. Parce qu'elle dit qu'il est là tous les jours. Bah oui, il a pas le choix. Il a faim. En même temps. Allez, on va partir sur le nouveau dessert tendance de Noël. Mais qu'est-ce que c'est ? La bûche ? Non. Non, le nouveau. Le gâteau au chocolat. Non. Les macarons. Non. Les éclairs au café. Non. Les tartes citron meringue. Non, c'est un gâteau ou c'est une... C'est une pâtisserie qui existe, ouais. Mais normalement, c'est pas une bûche de Noël. Mais cette fois, elle est retransformée en bûche de Noël. Une pâtisserie connue, quoi. Ouais. Genre Paris-Brest ou un truc comme ça. Individuelle à la base. Ouais. Les éclairs. Non. Non. Le religieux, un truc comme ça. T'en trouves... C'est une pâtisserie, mais tu la trouves pas tellement dans les boulangeries. Tu la trouves plutôt dans les grandes surfaces. Ok. Dans le rayon où il y a les. Les quoi ? Ah, j'ai juste bugué parce que. Dans le rayon où il y a les muffins et les roses des sabres ? Des sabres. Des sabres. Ah, je coupe des donuts. Des donuts, exactement, c'est la bonne réponse. Des donuts. Des donuts de Noël. Alors, il y a l'enseigne Coco Donuts qui est en Belgique qui crée des donuts de bûches de Noël. Alors, en fait, c'est simple, c'est des donuts classiques qui sont fourrés avec des parfums un peu Noël. Et en fait, ils sont empilés les uns derrière les autres pour donner l'effet bûche de Noël. Et ça cartonne. Si vous allez en Belgique, vous pouvez en acheter une pour 28 euros la bûche de 4 personnes et 32 euros la bûche de 6 personnes. Mais en fait, finalement, ça m'étonne pas parce que maintenant, ils font tellement de glaçage joli sur les donuts que je me dis pourquoi pas, hein, pourquoi faire des trucs de Noël. C'est clair. C'est bon. Oui. En plus, si c'est un beignet, spécial quoi. Noël, ça doit être vachement bon. Donc, ça doit passer crème de donuts. Alors, c'est une personne de. On change directement. C'est une personne qui a 69 ans. Elle va dans une assurance. Et en fait, elle a un problème avec l'assureur. Et qu'est-ce qu'elle fait ? On est dans quelle ville ? T'as pas dit dans quelle ville on est ? On est en France, on est à Croix. Merci. Ça m'aide beaucoup. C'est dans le Nord. C'est tout ce que je sais. Du coup, elle tape l'assureur. Si elle a... Non. C'est un petit rapport avec Noël. Alors, c'est quoi ? Elle a un problème avec l'assureur. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ouais. C'est un rapport avec Noël. Elle lui offre un cadeau. Bah, c'est bizarre ça. Oh, vous m'avez mis un malus, je vais vous offrir. Non, mais c'est bizarre. Pour la madouer, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Essayez de te rattraper. Elle s'est infiltrée par la cheminée. Oula, elle a volé tous les dossiers en rentrant par la cheminée. Ah non, plus vicieux, elle a volé les cadeaux qu'il avait fait pour ses enfants, tu sais. Genre... L'assureur. Bah ouais, genre il y a quelqu'un que t'aimes pas, tu lui voles tous les cadeaux qu'il voulait offrir à quelqu'un, puis comme ça il a plus rien. Non. Elle a mangé ça... tous les bonbons disponibles à l'entrée du. Elle a mangé tous les chocolats du calendrier de l'Avent. Alors il y a quand même la police qui a dû intervenir. Donc c'est un peu plus que des bonbons. Ouais, elle lui a volé son portefeuille. Non. Mais quel rapport avec Noël, c'est ça. Et bah si t'as plus de portefeuille, tu peux plus offrir de cadeaux de Noël. Ouais, d'accord. C'est sûr. Elle lui a cassé les dents comme ça, si elle a plus de dents, elle peut manger à Noël. Non, mais. Il lui a coupé la barbe, comme ça, si tu veux faire la barbe du Père Noël, il peut faire Noël. Non, c'est quand même assez grave, parce qu'il y a quand même la police qui est intervenue. Il l'a scarifié. Non. Vas-y, explique-moi le rapport avec Noël cette fois. Parce que quand t'es scarifié, tu peux pas faire Noël. Parce que c'était triste, tu vois, donc t'as pas elle envie a, elle de. Elle a tué, comme ça, elle a été arrêtée par la police. Non, elle a été arrêtée par la police pour ce qu'elle a fait. Elles sont nées. À votre avis, il y avait quoi dans l'assurance en cette période de Noël? Dans l'assureur, je ne sais pas. Dans l'assureur, je ne sais pas. Un sapin de Noël. Elle lui a acheté le sapin de Noël sur la gueule. C'est presque ça. Les boules. Non. Pim boule dans la gueule. Sans rapport avec le la sapin. La crèche. Qu'est-ce qu'elle a pu faire avec le sapin? Elle lui a mis dans le. Non. Elle l'a cassé. Pire. Bah plus que ça. Elle l'a jeté sur le mec. Non. Ou sur la vitre. Elle a pété la vitre. Elle l'a brûlé. Ah oui, d'accord. Ok. En fait, elle est rentrée dans son sac avec de l'alcool à brûler et du papier. Et en fait, une fois à l'intérieur, elle a allumé le sapin pour qu'il brûle. Voilà. Et alors après, elle a quand même pété une vitre en plus en tapant dessus avec son sac. Elle a pété un morceau de plexiglas. Mais voilà. Donc c'est pour ça que la police est intervenue, parce qu'en fait, elle a fait brûler le sapin de Noël parce qu'elle s'est estimée flouée par son assurance. Et c'est dangereux quand même de brûler des choses comme ça. C'est clair. Je vois bien la meuf. Alors mon assureur, qu'est-ce que je vais lui faire? Oh, mais il a sapin de Noël. Je vais le brûler. Voilà. Et on va finir avec une dernière actu. Je vous emmène en Haute-Savoie où on recherche quelqu'un dans le village. Oh. Dans le village de Salange. Ouais. De Salange. Le Salange. Salange. On recherche. S-A-2-L-A-N-C-H-E-S. Ah, bah oui, maintenant que tu l'appelles, on sait tout de suite ce que c'est. Un berger. C'est vraiment le gars qui est recherché partout dans la ville. C'est le Père Noël. Non, c'est pas le Père Noël. C'est un lien avec ta poignée de porte. Xavier Dupont. C'est un mec qui a perdu sa clanche. Non, c'est pas ça. Je comprends même pas. Salange. Salange. Bah oui, sauf qu'en Haute-Savoie, ils connaissent pas le mot clanche. Bah oui. Non, vraiment en ce moment. Un mec a perdu un truc là-bas, c'est ça? Non, on peut pas dire qu'il a perdu un truc. Je sais même plus c'est quoi la question. Dans cette ville, tout le monde recherche cette personne-là. Ah d'accord, le Père Noël. Non, c'est un rapport avec Noël. Non, c'est un rapport avec le saint, oui. Il recherche Charlie? Mais où est Charlie? Ok. Non. Non. Si vous trouvez pourquoi, vous allez vite comprendre. Pourquoi il a fait un truc? Ça a vraiment un gros rapport avec Noël. Mais c'est pas le Père Noël. Mais non, c'est pas le Père Noël. C'est un mec qui a volé un truc? Presque. Des cadeaux? Qui a tué quelqu'un? Non. Non. Voler, tuer, c'est presque pareil pour toi. Le sapin? Quelqu'un qui a volé le sapin? Non, c'est la personne. Elle a pas volé. Elle a vandalisé? Voilà, exactement. En fait, il recherche le saboteur de Noël. Il y a une personne qui régulièrement s'amuse à sectionner tous les câbles des décorations de la ville. Voilà. Du coup, tous les matins, le maire sillonne la place principale pour constater l'étendue des dégâts. Et en fait, il le cherche parce qu'en fait, ça fait déjà une vingtaine de fois qu'il le fait depuis le début de l'année. D'accord. C'est avec écolo, du coup. Il pense que c'est quelqu'un qui est écolo. Alors, la municipalité a quand même mis en place des boîtiers qui coupent l'électricité des décorations entre 23h et 6h du matin pour dire qu'au moins, ils éclairent pas la nuit. D'accord. Alors que c'est la nuit que c'est le moins grave d'éclairer. Mais bon. Oui, mais bon, au moins c'est toujours 7 heures où c'est pas éclairé. Tu vois. Oui. Mais voilà, donc en fait, il cherche le saboteur de Noël et le maire a dit que si quelqu'un le. Sans jeu de mots, griller la personne qui est en train de couper tous les câbles, il lui donnerait carrément une récompense. Voilà. Donc, si vous êtes en Haute-Savoie, on cherche le fameux saboteur wanted. De Noël. Oui, c'est ça, wanted. Et ben voilà, on a déjà fait toutes les actus. Voilà, c'était tout ce qu'on pouvait dire pour Noël. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même des gros tarés. C'est vrai. Il y a des moyens plus sains et moins casse-pieds pour les autres d'exprimer tes envies. Bah oui, c'est ça. Contentement, que de brûler un sapin de Noël, ouais. Par exemple. Ouais, c'est vrai, ou de couper des fils, quoi. Voilà. Enfin, tu peux 20 faire fois, ça, 20 fois le mec, quand même. Je veux dire, 15 décembre, le mec, il a déjà fait ça 20 fois. C'est-à-dire qu'il le fait quasiment tous les jours. Après, en soi, c'est pas trop dangereux. Alors que la mamie qui crame le sapin, pour le coup, là, en vrai, ça aurait pu. Oui, ça aurait pu brûler. Elle aurait cramé l'assurance, quoi. C'est clair. Et j'espère que l'assureur était bien assuré sur cette belle transition. On va écouter le groupe préféré de Camille, puisqu'on va écouter Kyo avec Mon Époque. Ce soir, j'ai le mal de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, je noircis des blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores. S'éclater les cordes vocales, mais c'est du sport. Pas la même ligne de départ, pas la même ligne d'arrivée, tous nés sous un cimetière. de mon futur un blind test. Toujours en quête de la prochaine quête. Je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Ce soir, je mets de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, je noircis les blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores. S'éclater les cordes vocales, s'aimer, c'est du sport. Ce n'est pas ton jour, pas ton mois, pas ton année. Le bonheur court toujours après l'horizon. Vol d'oiseaux blessés. Ma vie un bac, c'était ton futur un blind test. Toujours en quête de la prochaine fête. Je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Ce soir, j'aime ma de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, je noircis les blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores. S'éclater les corps vocales, aimer c'est du sport. Je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Ah, je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Et c'était Kyo avec mon époque. Et si jamais vous kiffez Kyo comme moi, ils seront en concert à Paris et à Bruxelles début décembre prochain pour fêter les 20 ans de Le Chemin. Voilà, voilà. Si jamais ils veulent me rémunérer pour cette pub, ils peuvent, bien évidemment. La voisinade sur Fadjet, les histoires de Mélie. Et aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler, Mélie? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des dinosaures. Ouais. Je me demande comment tu as eu l'idée de faire cette chronique sur les dinosaures. C'est vrai. Dis-nous. En fait, samedi dernier, je suis allée à la MJC Pichon où il y avait les Improdisiaques qui faisaient des matchs, enfin un concept plutôt, enfin un spectacle, voilà. D'impro. Un spectacle d'impro. Et du coup, il y a eu une impro où il y a des improvisateurs qui ont joué des dinosaures. Et c'était juste incroyable. Enfin, j'ai jamais entendu une salle rire autant en voyant une imitation. Du coup, bah, j'ai eu envie de. Tu sais que moi, depuis samedi, dinosaures. Tous les gens que je croise me disent waouh, la scène avec les dinosaures. Non, vraiment, oui, c'était incroyable. C'était ouf. C'était le spectacle de l'année, j'ai l'impression. Ce qui est quand même incroyable, c'est que ça a complètement inspiré Mélie pour sa chronique. Ouais, c'est ça. Dit, mais ah, mais carrément. J'ai trouvé une inspiration, je me suis dit allez, on y va. Alors du coup, le lien avec Noël. On n'a pas dit qu'on faisait une spéciale Noël. Alors tu savais que les dinosaures faisaient de Noël, mais comme des oufs, ils faisaient ça pendant 3 jours. Ah ouais. Ouais. Exactement, exactement. C'est d'ailleurs en mangeant une bûche et en s'étouffant qu'ils ont disparu. D'accord. Ouais, c'était en parlant de s'étouffer, je m'étouffe également. Donc, j'espère que je vais pouvoir survivre jusqu'à la fin de cette chronique. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de créatures plus craintes, enfin qui sont plus craintes et plus respectées que les dinosaures. Enfin, bah moi je les crains pas trop. Non, mais depuis qu'ils sont disparus, je vis mieux. Quoi, mieux. Non, mais j'ai l'impression que si on parle des dinosaures à des gens, ils vont me dire ah, c'était des êtres immenses et ça faisait peur quand même. Tu vois, bah, des... J'avoue que si tu me dis que tu les réintroduis, je fais pas la maligne. Ouais. Voilà. Oui, bah oui. T'as vu Jurassic c'est... Park, bon, hein, il fait pas les malins. C'est ça le problème, entre guillemets, c'est que dans le comment on dit dans la mémoire collective, c'est les dinosaures, c'est Jurassic Park. Oui, bah oui, donc c'est les gros T-Rex qui te bouffent. En fait, c'était des petits mecs, c'était sympa. En fait, ce que Mélie va nous expliquer, c'est que c'était pas ça du tout. Mais non, ils étaient gentils, ils faisaient du molki comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Non, mais il y avait des animaux gentils, des pas gentils. Non. Bah, il y en avait des pas gentils, mais ils se faisaient bouffer par les. Enfin, il y en avait des pas gentils, mais ils bouffaient les gentils, donc c'était pas. D'accord. Allez, vas-y, fais ta chronique. Non, mais rien que le terme de dinosaure, du coup, ça vient du grec dénos, qui signifie. Donc terrible et magnifique, et sauros qui signifie lézard. En fait, c'est des lézards terribles mais magnifiques. Aucun rapport avec Sauron, du coup. Non. Ok, dommage. Du coup, les premiers dinosaures, ils sont apparus il y a environ 245 millions d'années, hein, durant la période qu'on appelle le Trias. Moi, c'était hier, quoi. C'est ça, c'était très récemment. J'arrive pas à savoir si c'est triste qu'ils aient disparu ou pas. Bah, je pense que pour notre bien à tous, c'est une bonne chose. Oui, quand même. Sûr. Ouais, mais c'est quand même une espèce disparue, tu vois. Attends, c'est... moi j'ai peur des araignées, elle a peur des guêpes, Mélie. Je veux dire, si on avait des dinosaures, ça serait la merde, hein, je te le dis. Il serait dompté, tu vois. Ouais, bah, dompter un T-Rex, ça me paraît quand même assez compliqué. Hein. Okay. À cette époque, hein, la plupart des terres émergées étaient encore reliées sous la forme d'un unique continent qu'on appelle la Pangée. Il n'y avait pas de continent comme on connaît actuellement. On parle d'ailleurs d'un super continent. Bah oui. Ils sont pas emmerdés. C'était fun, on s'amusait bien. C'est ça. Ouais, c'est super. Les dinosaures ont dominé donc les écosystèmes du Trias, c'est-à-dire 230 millions d'années, jusqu'au Crétacé, 66 millions d'années. Donc tu vois, sont... mine de rien, ils auront, je pense, les dinosaures auront vécu plus longtemps que l'homme sur Terre. Ah, je pense. Oui. Vu comme c'est parti. Il y a eu, alors on n'est évidemment pas sûr du chiffre hein, parce que ça évolue toujours, mais on pense qu'il y a eu plus de 1000 espèces de dinosaures sur Terre, donc ce qui est quand même assez important. 1000 espèces différentes. Ouais. 1000 espèces différentes, oui, et tous les dinosaures sont issus donc, des reptiles appelés archosauriens. Voilà, et à partir de là, en fait, les dinosaures sont divisés en deux groupes principaux, les saurischiens et les ornithischiens. Et tu vas nous expliquer la différence. Exactement. Évidemment. Les saurischiens, alors en fait, c'est en fonction. Enfin, ils sont mis ensemble en fonction de leur os du pubis. Parce qu'en gros, si un dinosaure a l'os du pubis vers le bas et vers l'avant, on a dit que c'était un saurischien. Et à l'inverse, si c'est vers le haut. C'est un ornithischien. Donc on trie les dinosaures avec des os. De leur Non, les os du pubis, hein, c'est pas la. Oui, voilà. Mais c'est nous qui avons dit ça, c'est-à-dire que eux ils se mettaient pas à part. Non. Alors pourquoi Ils ont vécu en même temps et tout. Bah, parce qu'en fait c'est les dinosaures qui se ressemblaient le plus. Enfin, des dinosaures qui ont des os à peu près similaires, c'est des dinosaures qui vont avoir les mêmes caractéristiques, qui vont manger à peu près la même chose, qui vont se ressembler. Du coup. Donc, la nourriture est due à leur forme d'os de pubis. Bah non, c'est à peu près. Dit comme ça. Toi, t'as l'os un peu en avant, tu vas manger des fruits. Non, mais c'est fou ça. Bah, tu vas être végétarien ou carnivore en fait, c'est surtout ça. D'accord, et ça marche pareil Non, mais c'est bizarre. Chez nous, non, oui, je crois non, pas. Enfin, peut-être, hein, faudrait étudier, mais. C'est fou. J'ai pas envie d'étudier, moi, en tout cas. Il fallait bien les classer, du coup, les archéologues, ils ont trouvé deux méthodes de classement parce qu'il y en a tellement qu'il fallait les classer. Mm-hmm. Bon, bah voilà. Pourquoi pas, quoi. Ça pourra peut-être encore évoluer, on va peut-être découvrir d'autres zoos. Qu'on ne connaît pas. Et évidemment, les dinosaures, il y a différentes tailles. Hein. Il y en a qui ont la taille d'un poulet. Et d'autres qui mesurent plus de 20 mètres. Ouais. Donc, vraiment un peu de tout. C'est trop mignon, le petit poulet. J'aimerais bien avoir un dinosaure poulet. Elles vont l'adopter un, aussi. Les carnivores, ça représentait plus de 40% des espèces. Il y en avait même qui chassaient en meute, parce qu'en fait, on a retrouvé des traces de pas dans le même endroit, et on en a déduit qu'ils étaient en meute et ils se déplaçaient en troupeau. Et il y avait même des troupeaux qui faisaient des voyages annuels pour pondre leurs œufs. Et ça, du coup, ça rappelle des espèces qu'on connaît aujourd'hui. Les tortues. Voilà. Quelle efficacité. Et oui, malheureusement, il y a 66 millions d'années, hein, tout le monde connaît la fin tragique des dinosaures. Il y a eu plus de 85 espèces. Donc c'est tragique. Terrestres. Ouais, c'est tragique pour eux. Après, oui, bah pour eux, oui. Tout est question de point de vue. Tout est question pour eux, mais il y a tout est relatif, comme dirait l'autre. Il y a quand même eu 85% des espèces présentes sur Terre qui ont disparu. L'explication la plus connue, c'est la collision avec un astéroïde. Bah oui, parce que c'était les rois de la chaîne alimentaire, enfin, c'était eux au-dessus de tout, donc comment on aurait pu dire qu'ils allaient mourir un jour? C'est fou, ça. Bah, en fait, les archéologues ont trouvé qu'il n'y a pas que l'astéroïde en fait, qui est responsable de leur disparition, parce que les populations de dinosaures étaient en forte diminution dans les années qui ont précédé l'astéroïde, qu'il y a en plus eu... Ouais, ça a juste précipité leur chute. Ouais, en fait. Comment c'est possible que la population est en diminution? Ils pondaient des œufs et c'était eux le sommet de la chaîne alimentaire. Parce qu'en fait, le climat, il était devenu un peu plus capricieux, donc les plantes étaient modifiées, il y avait moins de nourriture. S'il y a moins de nourriture pour les herbivores, forcément, les carnivores, ils n'ont plus rien à bouffer. Et donc, ça diminue, en fait. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont disparu avec l'astéroïde qui a fait ce qu'on appelle un hiver pendant des millions d'années sur la Terre. Et du coup, s'il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus de plantes. Bah oui. S'il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'herbivores. S'il n'y a plus d'herbivores, il n'y a plus de carnivores et tout le monde meurt, en fait. C'est sympa, en tout cas, voilà. L'alimentaire. D'ailleurs, j'ai des petites questions pour vous, pour finir cette chronique. Est-ce que vous savez comment on arrive à dater les os des dinosaures? Oui, moi j'en ai daté un hier. Alors moi, il me semble que quand les dinosaures sont morts, ils ont tous laissé derrière eux un DVD de leur mort. Du coup, on a pu savoir, il était daté. Donc, c'est dommage, vous avez loupé l'impro de samedi qui expliquait comment. Comment on datait. Du coup, c'est comme toute archéologie, non? C'est en fonction des couches, où est-ce qu'on l'a retrouvé et tout, non? C'est ouais, un c'est peu ça, de ça. Mais genre la Terre, si c'est à 18 mètres de profondeur, on peut calculer que ça fait tant de millions d'années. Il n'y a pas un état de décomposition, enfin pas de décomposition, mais genre de solidité un peu, non? Pas pour les os, mais en fait, si autour des eaux il y a des pierres volcaniques, c'est des pierres qui sont hyper faciles à dater en fonction de leur composition chimique. Par contre, bah, il n'y a pas des pierres volcaniques partout, et du coup les autres indices qui sont plutôt fiables, c'est les pollens. Et du coup les archéologues, ils ont fait une datation avec des pollens des différentes plantes qu'il y avait. Voilà. Ah, ils sont vachement forts. Hein. Ouais, moi j'arrive pas à croire qu'on ait réussi à reconstruire ça. Moi j'arrive pas à dater la dernière fois que j'ai mangé un couscous et eux ils arrivent à dater ça. C'est du pissenlit, donc il est mort au printemps, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ouf. Et tu vois, ils ont trouvé des os et ils se sont dit, ok, c'est pas grave, c'est des dinosaures, ça existait. Enfin, tu vois, faut reconstruire, parce que le jour où tu trouves un os, de là à conclure l'existence des dinosaures et leur façon de vivre. Moi je suis toujours bluffé de ce qu'est capable de faire l'histoire. Même, rien que sur les dinosaures, ok, mais même quand avec Mélie on est allé en Grèce, tu vois, finalement il y a pas tant d'infos que ça, tu vois, il n'y a pas un bouquin qui a écrit clairement tout ce que les Grecs ils étaient. Oui, c'est vrai. Et on arrive à deviner, à déduire plein de choses du peu d'infos qu'on a. Moi, je trouve ça vraiment bluffant. Ouais, t'arrives à reconstituer leur vie alors qu'avec trois bouts de pierre et puis t'as retrouvé une sandale fossilisée. Et ils ont retrouvé, un bout de vase et ils disent, ah ben de ce bout de vase on peut en déduire. Ouais, c'est ça. Enfin, bon, ça qu'en fait ils faisaient une offrande à leur dieu qui s'appelait. J'ai dit, mais comment tu, avec un bout de vase, tu trouves ça quoi? C'était tout pour toi? Bah, j'avais encore une question. Bah, vas-y, t'as une question. C'est une question très très intéressante. En plus, est-ce que vous savez pourquoi les herbivores, donc ceux qui mangeaient de l'herbe, ils mangeaient également des cailloux? Ah merde. Parce que les cailloux étaient au-dessus de l'herbe. Parce que ça donne un peu de goût. Ça donne du sel. Il fallait tasser un peu l'herbe. Ah, ça faisait leurs dents. Ah, oui, c'est pas c'est con, ça. C'est ça. Ouais, voilà. Pour une fois que j'ai une bonne réponse. Et oui, les herbivores dinosaures avaient des dents qui étaient juste là pour arracher les plantes, mais pas pour les mâcher. Et du coup, ils mangeaient des cailloux pour aider à digérer. Et aujourd'hui, les poules font ça. Pour aider à digérer. Pour les dents ou pour digérer? Pour digérer. Le jour où les poules auront des dents. Là, ce gars-là, il a dit pour les dents et t'as dit oui. Non, mais parce que ça, bah, ça remplace les dents. C'est ça que t'as dit, non? Ah non, moi je trouvais que c'était pour se faire les dents. Ah non, ah bah non, bah merde, j'avais cru que t'avais la bonne réponse, mais en fait l'avais pas. Non, c'est parce que. C'est qu'en fait, c'est parce qu'au même moment, Camille elle a dit pour digérer. Non, pour moi j'ai dit pour tasser. Ah oui. Ouais, non, mais bon, voilà, pour digérer. C'est pour aider. De toute façon, Mélie, on sait, elle a toujours les bonnes réponses, alors que bon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le coup là. Oui, c'est vrai. Voilà, puis j'avais encore l'espérance de vie des dinosaures, voilà. Soit de très très faibles. À très très grands, hein. Les plus grands herbivores vivaient à peu près 80 ans. Tout ça pour dire que s'ils revenaient sur Terre, on serait quand même bien emmerdés, parce qu'en plus, ça vit assez longtemps. Voilà. Non mais c'est bon, hein. Macron, il va leur envoyer la bac là, aux dinosaures, ils vont pas faire les malins, je te le dis. Hein. Avec des LBD là, ils vont pas faire les malins, les petits dinosaures. C'est tout pour toi, Mélie. C'est bon, c'est bon. Et bah, merci beaucoup de cette belle reconstitution historique des dinosaures. Cette fois, on va vraiment écouter une chanson que Camille m'a demandé d'écouter, puisqu'on va écouter Maneskin avec The Loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote, in case of death, that's what I want. That's what I want. Sad when I'll be gone. There's just one thing I hope you know. I love you so. Cause I don't even care about the time I've got left. And the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be. Yeah. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine, so be it. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me. Et c'était Maneskin avec The Loneliest. Et comme j'annonce les tournées de tout le monde, Maneskin est en tournée et passe en France le 13 mars 2023 à l'Accor Arena. Et pour ceux qui sont plus proches du Luxembourg, on a le 30 avril 2023. Voilà, la pub est faite. La voisinade sur Fadjet, les indébattables. Et oui, comme nous sommes le 15 décembre, on va faire un indébattable sur les pulls de Noël. Et je vois sur la tête de Charles qu'il a l'air super content des pulls de Noël. La question c'est, est-ce que vous trouvez que c'est une tradition sympa? Est-ce que vous avez déjà vu des pulls moches, des très beaux, des voilà voilà? Et on va commencer avec Camille, comme d'habitude. C'est normal, c'est ma meuf. Super. Moi, j'en ai jamais eu. Et cette année, je suis un peu deg parce que j'en veux, voilà. Parce qu'en fait, je trouvais toujours ça moche parce que là, c'est moche. Mais je trouve que récemment, ils ont fait des pulls super beaux. Maintenant, ils sont en train de faire un truc révolution du pull de Noël. Et du coup, je suis fait des pulls beaux de Noël. Ouais. Non, mais en vrai, il y en a plein des super beaux. Et du coup, bah, j'en veux un parce que je suis un peu jalouse de pas en avoir. Mais pas un moche, tu vois. Je veux vraiment un truc, un beau pull. Alors, Mélie me montre son pull bouquet de Noël. Alors, c'est pas tout à fait ça que j'ai en tête, tu vois. Ah, et tout de suite, là. Ouais. Moi, je propose qu'on mette la photo du pull de Noël sur le Insta de la voisinade. On fera ça. Et puis, je dirais pas que c'est un pull moche de Noël qu'elle a, Mélie, mais c'est nickel, quoi. Non, mais ça fait pas, ça fait Noël, mais pas trop. Voilà, ouais. Moi je voudrais un pull de Noël assez neutre mais vraiment joli et du coup cette année j'en veux un, hein, donc ma réponse c'est oui. On vive les pulls de Noël. Alors, si quelqu'un cherche un pull très très très très très moche de Noël, je vous conseille d'aller sur la page Facebook de Fadjet Service Compris, parce que lundi, oui, Jeanne avait un pull horrible de Noël, chat pizza de Noël. C'est-à-dire qu'il y avait une part de pizza avec un chat dessus, il y a un bonnet de Noël. D'accord. Vraiment le plus moche de tous les pulls de Noël. Voilà, il est disponible sur la page Facebook Fadjet Service Compris. Voilà, la super photo et voilà. Vous pouvez lui vraiment acheter vente aux enchères. Voilà, pour 1 euro, elle vous le redonne. Charles. D'ailleurs, elle vous paye pour que vous le repreniez. Moi, les pulls moches de Noël, j'ai jamais trop fait, j'en ai jamais acheté, j'en ai jamais porté, et puis ça m'intéresse moyen. Non, mais voilà. Les pulls moches, mais les pulls beaux. Moi, j'ai jamais vu de pull beau de Noël. Mais moi. Si, il y en a plein. Moi, j'en ai pas vu. T'es le Grinch, tu n'es jamais content. Je les trouve tous moches. Ouais, super. Et c'est sympa s'il y a une soirée où il y a tout le monde désolé, qui a un pull mais de mais Noël. Ouais, ça j'aime bien tu vois, ça. Si tu fais une soirée, mais vraiment 100% des gens jouent le jeu, tu vois, c'est rigolo. Ouais, c'est marrant, ça fait une belle photo. Bah voilà. Ah, donc tu vois, tu peux en avoir un pour une photo. Non, c'est je jamais pas. Faut le prêtre, on en avait parlé il y a pas longtemps dans la voisinade. Il y a une fille qui loue les pulls de Noël. Voilà. Donc c'est peut-être un truc qui va se démocratiser. Tu pourras le louer pour une soirée. Ouais, c'est ça, pour une photo. Voilà. Mélie. Non, moi j'aime bien les pulls de Noël. T'en as combien toi? Bon, 6. Non, t'en as qu'un? Non, j'en ai 3, je crois. Bah, c'est ça, ouais. Mais oh là là. 3 fois 3. Si, j'en ai un avec un gros bonhomme de neige, mais du coup il est en relief. Ouais. J'ai un petit pull en relief. J'ai celui-là avec Mickey. Et j'ai un pull chapin de Noël. C'est-à-dire que c'est des chats qui font un sapin de Noël. Ah, trop mignon. Maintenant ils font tellement de trucs en pull de Noël. C'est assez sympa. Vous avez vu chaque année il se ressemble, il y a le pull de Noël Lidl aussi qui vient de ressortir qui est vraiment ça, moche. Je pense que c'est la palme du pull de Noël moche. Le pire c'est qu'il faut l'acheter en plus. C'est-à-dire tu fais de la pub mais tu l'achètes le truc. Normalement il devrait être payé. C'est dans le top 1 des plus horribles avec le chat pizza de Jeanne. Ouais. Et Gagelon, qu'est-ce que t'en penses des pulls de Noël? Moi j'adore les pulls de Noël. D'ailleurs je me suis racheté un pull de Noël cette année. C'est un espèce de Papa Noël hipster, tu sais, avec une grosse paire de lunettes et une grosse barbe. Hein et ouais, sur la barbe, il est vert. Et sur les manches, t'as la silhouette du gars, genre 50 fois. Ouais, il est joli. Voilà. Et j'ai même un t-shirt c'est de Noël. C'est ce que Noël, j'allais dire, aussi. T'as même un t-shirt de Noël. Ah oui, tu l'avais mis. Je l'avais mis samedi à la MJC Pichon. Et du coup, c'est un t-shirt noir avec plein de petits bonhommes de Noël. Il est mignon, et celui-là, il fait pas moche. Il est vraiment. C'est un petit truc avec des motifs. Je sais plus où je l'ai acheté, mais il est très sympa. Et moi, j'adore les pulls de Noël. Je trouve que ça devrait être obligatoire du 20 au 27 décembre. En fait, ton t-shirt, il est choupi. Il y a des petits sucres d'orge là, j'aime bien. Moi, il est mignon. Franchement. Bah voilà. Bah, ceux qui veulent voir le t-shirt de Noël, il sera disponible sur la page Facebook de Improdisiaque. Voilà. Voilà. Bon, pour dire qu'à part Charles, on aime tous les pulls de Noël. Ouais, bah, je vous en perds. Voilà. Moi, j'aime bien. Même quand c'est moche, je trouve que c'est rigolo. Tu vois, genre la dernière semaine avant Noël, je vais aller bosser avec le pull de Noël. Tu vois. Oui. Bah, que ça me dérange. Je trouve que ça fait une bonne ambiance. Moi, en fait, c'est surtout là, au-delà de la beauté du truc, je trouve qu'une ambiance sympa. Enfin, quand je vois quelqu'un avec un pull de Noël, je fais ah, tu Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Là, moi, mon objectif cette semaine, c'est que des pulls de Noël. À chaque fois que je vais travailler devant mes élèves, pulls de Noël. D'ailleurs, ils font souvent ça dans les boîtes. Ils le font de plus en plus. Genre, il y a une journée où tu t'habilles en Noël. Ouais. Genre, où tous les gens viennent avec des bonnets de Noël, des serre-têtes serres. On en parlait la dernière fois, mais à mon travail, je croise des ambulanciers et j'en ai vu un cette semaine avec un bonnet de Noël. Et je trouve que c'est fun, tu vois, parce que c'est mignon pour un travail qui est pas. Voilà, dans la santé, tu vas chercher des gens qui sont pas toujours en forme. Et ça met un petit peu de bonne humeur, un petit bonnet de Noël. Oui, je trouve aussi. D'ailleurs, j'ai vu un. Alors, par contre, faut pas abuser. La dernière fois, j'ai vu carrément un mec habillé en rouge avec une barbe, un traîneau et des rennes sur la route. Je me suis dit, bon, lui, il a poussé le concept du pull de Noël un peu trop loin. En plus, il était garé, mal garé. Enfin, bref. Mais les deux dernières fois qu'il y a eu une journée comme ça spéciale dans mes boîtes, je me suis mis en télétravail. Et voilà, si vous cherchez un rabat-joie, je vous donne le numéro de Charles, le gars. Vous pouvez le retrouver sur le Facebook de la voisine. Voilà, avec un pull normal. Voilà, c'est ni ça. De Noël, ni de. Voilà. Et Noël, moi, ça me donne envie de voyager. Ouais. Et du coup, ça tombe bien puisque c'est la chronique de Camille. 18h, 19h, la voisinade sur Fadjet. Camille vous fait voyager. Et aujourd'hui, Camille va nous faire voyager, mais pas à Noël. Si, alors, je vais faire un lien. Qu'est-ce qu'on offre à Noël ? On offre des journées au spa. Et comme Charles m'a dit oui, moi je voudrais faire le tour du monde des spas, et je me suis dit allez, on va lui faire une chronique. Alors Charles, où va-t-il aller pour lui donner envie de voyager ? Alors il y a plein de choses. Vous pouvez par exemple aller à Bali parce qu'on a un spa qui s'appelle ça commence bien. Le Shambhala et il se trouve Balistier. Dans un environnement verdoyant puisqu'il est en fait dans une jungle en fait, au bord d'un fleuve. Donc vous avez une rivière, une petite clairière, vraiment le petit truc bien nature, sympa. Il propose du yoga, du pilates, du tai chi, plein de... Ouais, on a dit qu'on laisse reposer, pas se défoncer les membres en faisant du yoga. Ouais, mais c'est pour le repos de l'esprit aussi. C'est ça. T'es sûr que le tien est bien reposé. C'était gratuit, ça. Alors, donc, j'en ai plein. Donc, celui-là, c'était un petit peu rapidement, mais un peu plus profondément, j'ai le Blue Lagoon en Islande, évidemment. Forcément. Puisqu'il s'agit d'un lac au milieu d'un paysage volcanique. Donc, c'est un lac tout bleu, laiteux, un peu, pour ceux qui ne voient pas. Il a une température entre 30 et 39 degrés. Donc, pour l'Islande, c'est quand même vachement sympa de... Oui, alors, je confirme la température entre 30 et 39 degrés, parce qu'en fonction de l'endroit où tu es dans le lac, tu peux avoir un ressenti 30 et dans certains, avoir un ressenti 39. Voilà, exactement. Effectivement, mais c'est vraiment un mélange, quoi. En tous les cas, c'est assez chaud. Et puis, donc, la particularité de ce lagon, c'est que... c'est une eau qui est une eau de mer et de minéraux, donc il y a plein de minéraux dedans, par exemple en plus grande quantité c'est le silice et donc il est réputé pour faire des bienfaits sur la peau, comme par exemple le plus connu c'est le psoriasis, donc les gens qui sont souvent atteints de maladies de peau, ils vont se baigner là-dedans et voilà c'est du coup tu te baignes avec plein de gens qui ont des psoriasis. Oh, c'est cool, c'est super. Pas vraiment, mais non, mais voilà, pas trop envie quand même. Ah, rigole. Puis dès que tu sors de l'eau à 39, il fait 3 degrés c'est exactement ça. Alors après tu as des endroits où tu arrives directement à l'intérieur, oui. Donc pas ce choc thermique. Petit conseil pour les gens un peu pudiques, les vestiaires sont nudistes. Voilà, je précise, oui, c'est pas très grave. Ça. Oui, mais on peut se sentir mal à l'aise, quoi. Voilà. Bon. C'est pas un lac naturel, c'est artificiel, ça provenait à la base d'une centrale électrique géothermale à côté. Et en fait, c'était les excès d'eau qui allaient là-dedans, ils savaient pas quoi en faire, donc ils les mettaient à côté. Puis en fait, elle était pleine de minéraux. Puis ils se sont rendus compte que voilà, il y a quelqu'un qui était atteint de psoriasis qui s'est dit, mais en fait, il paraît que c'est bon pour la peau, je peux essayer. Puis en fait, il a essayé, puis c'est devenu le lagon bleu qu'on connaît aujourd'hui. D'accord, que tout le monde visite maintenant. C'est les déchets d'une centrale électrique, quoi. Plus maintenant, c'est vraiment. Ils ont mis ça en truc touristique, mais vraiment, c'est particulier parce que t'as vraiment l'eau d'une super couleur. Enfin, c'est très Vous êtes allé, vous? Ouais. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je donne l'anecdote des trucs nudistes. Voilà. Ça t'a choqué ? Oui, moi j'ai réussi à me cacher. aux États-Unis, on a un spa qui se trouve en plein milieu d'un désert, puisqu'il se trouve dans le Point Canyon, où je l'ai dit à l'envers, je crois. Canyon Point, voilà. vous avez donc en plein désert dans l'Utah, près du Colorado, ils ont installé un spa avec un peu les rituels Navajo, puisqu'on est un peu dans leur territoire. Dans leur territoire. J'ai trop hâte d'y aller. Moi, j'ai envie de foncer dans l'Utah. Voilà. Oh, il est en forme, lui. Quand il s'agit de parler des pulls de Noël, il n'y a personne, hein, mais on peut faire des blagues comme ça. Bah, c'est sûr que foncer dans le Colorado, c'est moins drôle. C'est vrai. Un peu con. Le mec n'a pas compris la vanne, tu sais. Ouais, mais en vrai, vous avez sûrement des paysages quand même assez incroyables parce que vous êtes en plein milieu. Bah, c'est pas dans un canyon, déjà, c'est stylé. Mmh. Ouais. Bah, ouais, déjà, l'Utah, c'est stylé de base, ouais, comme truc, il y a des canyons partout et tout, donc c'est déjà stylé. C'est ça. Puis c'est un gros potentiel de jeu de mots. Donc, ouais, c'est clair. Et donc, qu'est-ce qu'ils proposent? Eh bien, ils proposent des soins justement inspirés des rituels navarro. Qu'est-ce que c'est? Je ne trouve comme Navarro, le commissaire. Non, Navarro. Pas comme le commissaire. Donc, Navarro. Pas avec le commissaire. Ça s'écrit Navajo. Pour l'anecdote, les Navarros, ils ont une grande partie du territoire de l'Utah qui leur appartient et les parcs qui se visitent, notamment Monument Valley, qui est l'endroit où on tourne les westerns, ça leur appartient. Ça fait pas partie de. Mais c'est quoi ça? C'est une tribu Navarro, indienne c'est en fait. Une... Ah, c'est une tribu indienne. Ils existent encore? Oui, ils existent encore. Alors maintenant, ils sont vachement bien reconvertis dans le tourisme. Ils sont adaptés à la vie moderne. Voilà, c'est ça. Mais la plupart des sites touristiques que tu veux visiter par les Navarros, je te rassure, ils t'oublient pas de te faire payer. Non, ils oublient pas. Ouais. Ils ont bien un TPE. En même pas. Temps, en général, c'est clair. C'est les trucs assez typiques. Bah, t'es obligé de le faire. Ah, voilà. Oui. Voilà, au Costa Rica, on a le Flor Blanca. C'est un spa qui est un peu suspendu au-dessus des piscines, un peu de cascades, etc. Donc c'est vraiment pareil que le premier à Bali. C'est un truc très naturel au milieu de la nature, en fait. Vous avez vraiment en fait, c'est un peu un dressing à ciel ouvert et tout. Enfin, on est à moitié dehors, à moitié dedans. C'est un spa un peu en bambou. Oui, c'est vraiment... Enfin, c'est... Je sais pas comment expliquer, c'est nature, mais... Quoi. Ouais, c'est vraiment du bambou et du verre, quoi. C'est... Mmh. Voilà. Et donc, ils vous proposent des soins, voilà, assez sympas, du genre gommage, enveloppement, etc. Voilà. J'ai une question bête. Peut-être que t'as pas la réponse. Mais est-ce que ça coûte une blinde, c'est pas depuis alors, le début? Ouais, depuis le début, oui. Ok, d'accord. Ce que je me dis, c'était quand même déjà, quand tu vas dans un spa normal, c'est pas donné. Alors, si en plus, t'es dans une réserve naturelle ou je sais pas quoi, ça doit coûter une blinde. Okay. Ouais, c'est des trucs assez luxueux quand même. Après, si, parce qu'il y en a qui sont accessibles, disons. Bon, que... En général, le spa en lui-même, genre, aller au spa, c'est pas hyper cher. Ce qui est très cher, c'est genre quand tu veux faire un massage. Tu veux aller au spa et te faire un massage pendant une heure, ça coûte vite 200 balles, mais souvent, les entrées au spa. Je suis allé dans des beaux spas en vrai en France. Bah, pas longtemps dans les Alpes, on est dans un beau spa et en vrai c'était c'était 50 balles pour 3 heures. Mais c'est juste qu'après, tous les services coûtent une blinde. Après, ce qui est à côté coûte une blinde. En fait, ça dépend effectivement ce que tu prends, mais là c'est surtout des spas pour se faire masser en général, ce que j'ai. Et évidemment, c'est pas donné. Les soins qui vont avec. Par exemple, celui aux États-Unis, ils disent environ 200€ le rituel de 2h30. Et après, tu peux prendre une nuit sur place à partir de 500€. Donc tu vois, c'est pas. Ah ouais, t'as déjà payé ton billet d'avion 1000 balles pour venir. Parce que du coup, ça en fait forcément des lieux qui sont hyper touristiques et donc du coup, l'offre et la demande fait que ça coûte cher. C'est logique. Après, vous avez des spas un peu originaux. Par exemple, on a à Tromsø en Norvège un bateau spa. Oh, trop bien! Ouais, donc, bateau spa! Ouais, c'est sympa. Pour le coup, celui-là, bateau. Il doit être vraiment cher. Oui, j'imagine qu'il n'est pas donné. Mais c'est super sympa parce que tu es sur ton bateau. En Islande, en Norvège, il doit faire vraiment pas chaud du tout. Et puis, donc, tu es vraiment dans l'environnement un peu glacial et tu es dans ton petit jacuzzi d'eau chaude. Donc, je trouve que c'est sympa. Et puis, du coup, bah, forcément, le bateau fait que tu es entouré d'un paysage incroyable. Donc, tu as les montagnes, les fjords, le lac, enfin. La totale de la Norvège. Et puis il peut neiger par exemple, donc tu peux te retrouver sous la neige. Ça doit être beau. Dans ton spa confort, je pense que ça doit être vraiment génial. Ici on va se retrouver sous la neige à Nancy, mais on va pas avoir de spa. Non, ça va être foufou. Sur le bateau, vous avez un bain à remous au feu de bois, vous avez un trop sauna finlandais, vous avez franchement en Norvège. Oui, je sais, je suis bête. Alors après j'ai un petit tour des spas un peu originaux aussi. Par exemple en Italie vous avez un spa qui à la mozza. Fait de la mozza. Non, qui sent le fromage en sortant. Et qui vous propose des soins personnalisés en fonction de votre signe astrologique. C'est marrant ça. Voilà. C'est marketing, c'est marrant. Bah ils disent que chaque partie du zodiaque a ses faiblesses et donc en fonction de ça ils proposent. Alors là j'ai l'exemple par exemple ils disent aux Capricornes on dit qu'ils sont sensibles aux tensions donc ils vont vous mettre un soin anti-stress. Oh, ça a l'air rigolo, je trouve. Ça dépend, ils ont quoi les Verseaux. Genre un massage de 50 heures. Ah bon, j'ai vu. La vache, t'as intérêt à être en forme. Ensuite, on a encore aux États-Unis, dans l'Est américain, on a le Sparkling Hill Wellness, donc sparkling. Oui, bah, il est pétillant, quoi. Non, il est pas pétillant. Il est gazéfié, quoi. Alors, apparemment, il y a décoré de plein de petits cristaux Swarovski, donc voilà, ah oui. Ça, c'est le petit truc. Oui, d'accord, il est pétillant, mais en mode lumière, voilà, quoi, c'est ça. Brillant. Quoi. Il coûte encore plus cher que les autres. Non, en vrai, sa particularité, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'ils ont des soins à la carte, dont un cold sauna. Donc, en gros, sauna c'est... au charbon. De quoi ? Au charbon, c'est ça ? Non, cold. Sauna. Ah, cold, ok. J'ai compris cold, c'est... Ouais, ah non, non. C'est, en gros, c'est une cryothérapie. Bah oui, ok. Où tu restes à peu près 3 minutes dans une pièce à moins 110 degrés. Je n'irai pas. Oh, mais ça voilà. Va pas la tête. C'est je suis pas... allé dans une chambre négative à moins 26 la dernière fois pendant 2 minutes. J'avais déjà les poils de nez qui étaient en train de congeler. Alors imagine. Il paraît que pour les sportifs, c'est pas mal. Non, oui. Ouais, ça, il paraît que c'est très bon pour tonifier les muscles. Et donc, forcément, c'est que c'est bien. Alors, ils disent, ça me fait rire parce que sur l'article que j'ai trouvé, ils précisent que bon, vous pouvez évidemment dormir parce que le spa fait hôtel et ils marquent que vous pouvez prendre une chambre double, elle est chauffée. On sait jamais. Tant mieux. Ça peut être intéressant. J'ai encore un peu de temps pour en faire. Oui, il reste une petite minute. Dans les Pouilles, en Italie, on a un spa à l'huile d'olive. Alors, je sais que vous avez fait un peu un truc comme ça en Grèce. Ouais, moi, j'ai fait un massage spartiate à l'huile d'olive grecque. Voilà. Moi, j'ai fait le même à Rome avec de l'huile piquante de pizza. Bah là, c'est aussi en Italie. Alors, je sais pas si c'est de l'huile piquante. Hein, faut faire attention. À chaque fois qu'il fait le massage, il y a Mario qui débarque dans le... Wow. Mais en tout cas, c'est bien à l'huile d'olive, puisque dans la région là de l'Italie, il y a plus d'oliviers que d'habitants. Et donc, ils ont pris l'olive. Ça peut être tous Olivier, sont là. Ouais. Moi, c'est Olivier. Olivier. C'est comme la Jordanie. Salut, moi, c'est Jordan. Olivier. Olivier est présent. Donc voilà, donc là, ils font plein de soins à base d'huile d'olive. L'olivothérapie. Voilà. Et du coup, ouais, le massage à l'huile d'olive, c'était trop bien. C'est super agréable. Après, le problème, c'est que tu sens la salade grecque. Quoi. Oui, bah oui, c'est ça. Après, on te met de la pita sur le dos, puis voilà, bah, hop, c'est parti. Je pense que c'est à peu près le même principe, sauf que là, je pense que c'est le spa entier qui est dédié, donc tu dois avoir plein de soins différents, mais tout à base d'huile. Après, ils m'ont roulé dans la panure et ils m'ont fait frire. Mais j'ai kiffé. Ça avait l'air appétissant. En tout cas, merci beaucoup, Camille, pour cette belle chronique sur les spas. Tu me donnes envie de claquer tout mon PEL dans des voyages pour me détendre. Il est presque 19h, c'est déjà la fin de la dernière voisinette de l'année, puisque oh non, c'est les vacances, et pendant les vacances, on vous laisse tranquille, on va pas vous embêter sur 94.2, mais on reviendra encore plus fort et plus puissant le 5 janvier 2023. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, une bonne année, et fêtez ça avec modération. Ciao, ciao, bonsoir. Salut, bisous à modération.